Que se passe-t-il? J'ai pas compris à quoi ça sert. Que se passerait-il si... Plus rien. Ne plus rien oublier, se souvenir, le garder. Décaler, décaler, toujours, toujours plus décaler. Vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas. Toujours plus décaler. En marge. En marge de quoi ? En marge d'une société ? En marge de... En marge d'une marge ? Pourquoi pas ? Sur la table. En marge d'une marge. La marge d'une marge, c'est l'extérieur de la page. Alors pourquoi ne pas écrire à l'extérieur de la page ? Écrivons sur les murs. Sur la table. Écris sur la table. Écrivons sur le sol. Écrivons sur le ciel. Sur les murs. Exprimons. Exprimons. Ressentons. Partageons. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Toujours cette question qui sans cesse revient. Pourquoi ? Mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Ne rien oublier.